Bonjour à tous. On va faire un petit pas de côté, comme ça, peut-être vous réveiller un petit peu, je ne sais pas. À voir. Parce que, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à des danses et des danses dites sociales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend sous danse sociale? C'est une forme de danse pratiquée dans un cadre social ou communautaire, populaire ou plus mondain, et qui sont censés se caractériser par leur aspect convivial, accessible à tous les niveaux. Alors, sans qu'on en sache beaucoup sur les profils sociaux de leurs pratiquants et pratiquantes, elles semblent relativement répandues en France, malgré, il faut le noter, une diminution nette de ce qui a été appelé les bals populaires au cours des 50 dernières années, et aussi une certaine désertion des boîtes de nuit, notamment médiatiquement relayées, et spécialement comme effet collatéral de la crise du Covid. Alors, à ce sujet, c'est l'anthropologie qui s'empare le mieux du sujet des danses sociales, le plus souvent des danses dites traditionnelles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait, souvent, ces recherches, elles vont se focaliser sur des pratiques isolées, sans les considérer comme un système cohérent au sein de l'économie des biens symboliques. Et c'est ce que nous, on va essayer de faire. D'un autre côté, la sociologie de la culture et les enquêtes ministérielles, notamment celles récentes, se sont peu penchées en fait sur les danses sociales, leur préférant les danses dites chorégraphiques, comme la danse classique, contemporaine, ou le hip-hop et son artification. C'est-à-dire, en fait, des danses qu'on peut regrouper sous le qualificatif de danses de représentation, se donnant à voir. La sociologie du sport fait de même, voire ne s'y intéresse pas du tout. Sauf que, en fait, ce sont des activités physiques, mixtes, du point de vue du genre et de l'âge au moins, non compétitives, ce qui est intéressant du point de vue de la sociologie du sport, pouvant être pratiquées de manière très régulière, et elles forment un espace qui est finalement à l'intersection de la pratique culturelle amateur et de l'activité corporelle, voire de ce que qualifie une collègue de sortie festive. Et ça semble particulièrement intéressant à étudier sociologiquement. Et donc, on a commencé un projet financé par l'INJEP. On l'a commencé avec François et une petite équipe de sociologues depuis septembre. Donc, c'est vraiment le début du travail. Et on étudie donc des pratiques que je préfère qualifier, suivant la définition d'Adrienne Kapler, de danse de participation. Et elles sont de participation, et elles sont en fait organisées par la pratique, et par la pratique autonome, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la pratique sociale tout à l'heure. Les bals, les festivals, aussi dans l'espace public depuis des dizaines d'années. Et aussi, elles peuvent être encadrées d'une manière un peu différente de l'acception habituellement utilisée en sociaux du sport, c'est-à-dire par exemple, en l'occurrence, sans visée de compétition, ni de professionnalisation hors cercle très spécifique. Bon. Et surtout, l'élément qui motive notre présence ici et qui est au cœur de notre travail, c'est que la danse, c'est, selon Hélène Marquet, un phénomène actif dans la production du genre. Pour ce qui concerne l'objet de notre enquête, ce sont des danses qui sont souvent nommées de couple, dont les techniques corporelles sont traditionnellement basées sur l'idée de la complémentarité des sexes et l'hétéronormativité. Si je reprends le travail de Christophe April, mais dans lesquels, en fait, on voit fleurir depuis plusieurs années, dans certains espaces de pratique, des réflexions sur le genre des rôles, le consentement, les violences sexistes et sexuelles, de la part directement des pratiquants et pratiquantes, comme des enseignants et enseignantes. Alors, hop, je vous donne deux exemples récents. Une tribune et sur change.org de réaction au VSS dans le tango, qui est signé au départ par les Martiennes qui guident, donc un collectif de Marseille, et signé par tout un tas de collectifs dans le tango, et un autre à l'inverse, un espace queer vécu comme safe en danse fusion, où vous voyez consentement, pas de rôle de genre et tous les corps, voilà, avec un couple, potentiellement un couple lesbien, avec des formes prononcées, etc. Donc notre projet, il entend explorer comment les normes de genre sont travaillées dans différents espaces de pratique de danse à deux, dans leur imbrication avec d'autres formes aussi de rapports sociaux, comme la sexualité, l'âge, la classe, la race, le handicap et j'en passe. Et à ce titre, on veut considérer les danses de participation comme formant un espace social. Je pourrais revenir là-dessus dans les questions, on n'a pas le temps. Et ça, on pense que le considérer comme un espace social, et donc avec des danses qui sont distribuées dans cet espace, suivant notamment les caractéristiques des publics qui les fréquentent, ça devrait en fait nous permettre de mieux comprendre la sensibilité différentielle aux évolutions des réflexions sur le genre des rôles, le consentement, les VSS. Notamment parce que on suppose que les lieux de pratique et les propriétés sociales des pratiquants et pratiquantes définissent en fait les limites des possibilités de mettre en discussion ces sujets ou de les passer sous silence. Et donc pour nous finalement, les danses à deux, c'est un laboratoire pour s'intéresser à ces questions, d'autant qu'il y a fréquemment des circulations en fait entre des pratiquants et pratiquantes entre les danses à deux, qui peuvent permettre de rendre compte, d'expliciter en fait ces différences entre les sous-espaces. Alors, je vais aller vite là-dessus. Donc, on veut essayer de caractériser cet espace social en utilisant des données statistiques, et Serge, à ce titre, nous accompagne. Et qualitatif, donc entretien, observation, je pourrais revenir aussi sur la méthode après. Pour explorer donc caractéristiques des pratiquants et pratiquantes, revendications sur les normes de guidage, sur les normes de genre, etc. On étudie la trajectoire des danseurs heureuses, rapport au corps, rapport aux inégalités, engagement dans d'autres activités culturelles. Et on va aussi in situ analyser les interactions entre les pratiquants et pratiquantes, et les enseignants et enseignantes, les débats qui sont suscités, les types de rapport au corps, etc. Alors, déjà, rapidement, quelques premiers résultats de l'analyse quantitative réalisée par Serge sur l'enquête pratique culturelle des Françaises, donc de 2018, qui s'est intéressée à un grand groupe, qui était celui qui avait déclaré une danse à deux, ou une danse traditionnelle, qui en fait sont régulièrement à deux, même si évidemment il y a des danses solo ou en groupe, qui étaient sous le vocable danse latine ou danse de salon. Donc bon, déjà ça induit potentiellement des biais, on pourra y revenir. Premier point intéressant, en fait ces types de danses heureuses sont plus proches de la population générale ayant répondu à l'enquête que la population des autres danses heureuses. Notamment, ils et elles sont nettement plus âgés que les danseurs et danseuses autres danses. Sachant qu'il faut mettre en place comment on étudie une base statistique, eh bien, on voit une photographie à un temps T, et finalement, les personnes qui ont déclaré faire une danse, une autre danse, peuvent l'avoir fait uniquement dans leur jeunesse et ne plus la pratiquer au moment de l'enquête. Donc ça, en fait, on est potentiellement dans... Quand on livre ces chiffres-là, on ne sait pas. Le groupe des danseuses à deux, pour le dire, ou de participation, est un peu plus mixte, en fait, que celui des autres danses. C'est de l'ordre de 70% de femmes pour 30% d'hommes, quand c'est près de 90% des danseuses autres pour toutes les danses, voilà, pour toutes les autres danses confondues. Et ça, c'est quelque chose qui est massivement confirmé par l'observation, c'est qu'il y a quasiment systématiquement toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes, et que c'est vécu comme normal, même si ça peut être, c'est-à-dire, on va dire, peu souligné, quoique ça peut devenir problématique quand le ratio il est vraiment trop disproportionné. Mais finalement, c'est souvent la situation inverse, quand il y a plus d'hommes que de femmes, qui est mise en avant et où, par exemple, dans les cours, des solutions peuvent être proposées pour y remédier. Et typiquement, par exemple, une situation au Lindy Hop où je commence des cours, il y a trop de personnes qui veulent être guidées, donc je propose de commencer en tant que guide. Le prof fait un peu la tête, mais on continue. Et au bout de quelques cours, il y a un cours où il y a plus d'hommes ou de guides que de personnes guidées. Et ça crée un malaise, et à un moment donné, le prof me dit « Non, mais tu ne veux quand même pas apprendre le lindi avant d'apprendre à guider. » Comme si, en fait, ma place naturelle était de commencer le lindi en tant que guidée, évidemment, et une fois que je serais extrêmement forte, là, je pourrais envisager ce qu'on ne propose pas de manière inverse à un homme. Ce qui pourrait être le cas. C'est rarement le cas. Enfin, les stats produites par Serge montrent aussi que, contrairement à l'image qu'on peut avoir, des hommes célibataires qui iraient à la danse à deux comme au marché matrimonial, eh bien, les hommes qui y viennent sont plus souvent, beaucoup plus souvent en couple que la moyenne, et enfin, plus souvent en couple que la moyenne, et beaucoup plus que pour les autres danses. Alors, encore une fois, il y a un problème de l'analyse statistique, c'est-à-dire qu'il nous manque la compréhension diachronique de la pratique. Il se peut qu'une partie des répondants, là, ait arrêté la danse à deux après avoir trouvé une compagne. Bon. Et c'est donc à ça que servent les entretiens de récits de vie et de pratique qu'on a fait aussi. Mais ça, c'est des tendances, en fait, qu'on a confirmées dans les éléments, dans les entretiens, notamment le fait qu'il y a un certain nombre de danses de représentation, de participation, qui peuvent être pratiquées, débutées vraiment comme une pratique de couple, à mi-chemin entre une pratique, une activité physique ensemble et une activité culturelle qui nous fait la sortie de la semaine. Je vais passer là-dessus, mais du coup, voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail des pratiques. Or, en fait, on ne peut pas, à partir des stats, aller dans le détail de qui fait quoi comme type de danse exactement. Sauf que, vous allez voir, il y a des différences substantielles entre ces danses. Et de ce point de vue, je vous ai fait plutôt quelque chose de pour que vous visualisiez ces danses et donc que vous les situiez spontanément, socialement, et aussi vous situer par rapport à ça en termes d'attirance ou de dégoût qui sont évidemment socialement construits du point de vue du rapport à l'apparence, au corps, le sien, celui de l'autre, au genre, à l'hétéronormativité, à la classe qu'on voit aussi. Alors là, on perd l'aspect musical, mais on pourrait éventuellement voir des vidéos ou même je pourrais faire une initiation. Alors, on a donc proposé à l'INJEP de travailler sur le tango. Vous voyez, j'ai essayé de produire à chaque fois des photos faites de manière professionnelle et sur des professionnels de la danse, et des photos plus publiques, et donc sur des personnes, des pratiquants et pratiquantes lambda. Donc le tango, vous voyez l'esthétisation du corps, la rigidité, etc. Le lindy hop, avec notamment cette utilisation, encore une fois, une esthétisation tout à fait particulière et qui est surtout sur les on va dire, 50s américaines, nord-américaines, USA. La salsa... vous voyez aussi l'éloignement, hein, juste avant, le fait que c'est une danse ouverte, contrairement au tango, qui est beaucoup plus proche. L'axe n'est pas du tout le même. La salsa, encore, c'est une danse ouverte, et on a rarement des choses qui sont plus proches que ça, en réalité. Et là, voilà, des personnes, des pratiquants et pratiquantes lambda, telles qu'on peut les voir en soirée ou en cours. Le foro, une danse brésilienne du Nord-Est. Vous voyez là, à la fois, encore une fois, le peu d'esthétisation en fait corporelle par rapport aux précédentes et la proximité des corps, en revanche. Et donc ça, c'est ce qu'on avait proposé d'étudier au départ, les quatre danses. Et en fait, via l'enquête, eh bien, on se retrouve aussi à voir le folk arriver, les balles trad, et en fait, j'ai trouvé aucune photo de professionnel. Et c'est vous dire en fait la manière dont est structuré l'espace du folk en France. Et là, on voit typiquement les deux figures, notamment masculines du folk, le vieux patriarche et le jeune babos, comme si je réutilise les termes donnés par les enquêtés. Et les jeunes filles qui acceptent très gentiment et avec un grand sourire de danser avec le vieux monsieur. De l'autre côté, l'opposé, la kizomba, et donc une danse sur une musique plutôt type, on va dire, zouk, qui nous vient d'Angola. Et qui est voilà, pratiqué davantage, mais c'est pas en fait tant le cas que ça, par une communauté afro-antillaise, etc. Bon, on pourra revenir dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que plutôt que vous donner quelques éléments épars de résultats, qui sont en fait encore en travail, il y en a plein, mais on vous propose de vous donner à comprendre certains de ces éléments à partir de l'étude d'un seul cas, celui de Monique, que va nous présenter François. Donc en effet, on a choisi... Est-ce que... Micro ou pas ? C'est bon ? Tiens. Nous avons choisi de vous présenter une étude de cas, donc de Monique, qui fait partie de notre échantillon d'entretien. Donc Julie disait qu'on avait commencé à l'automne, mais on a déjà réalisé 42 entretiens, qui montrent un peu le dynamisme aussi de notre équipe. Donc Monique est une pratiquante de tango d'une soixantaine d'années. Elle est retraitée, elle a commencé sa carrière professionnelle, c'est pour resituer aussi un peu, comme secrétaire médicale au CHU, et elle a terminé comme cadre médical au même CHU. Son parcours est intéressant pour comprendre justement ce parcours d'une femme d'une soixantaine d'années dansant le tango depuis une vingtaine d'années, et ça met en évidence plusieurs pistes d'analyse qu'on peut retrouver dans d'autres entretiens, d'autres danses, etc. Donc un premier point important, c'est que les danses peuvent être commencées par certaines femmes suite à une rupture ou un divorce, donc où il y a un moment charnière qui fait que comme pour ce que Monique dit, elle retrouve une certaine liberté qui lui permet de se resocialiser différemment. Elle accentue aussi un peu son parcours de danseuse en montrant que la danse était la passion de ses deux parents, mais qu'elle n'avait jamais dansé avec eux, en mettant sur une dimension plutôt historique, en disant qu'à l'époque, ça ne se faisait pas d'apprendre, elle dit, comme maintenant à ses petits-enfants ou à ses enfants, des pratiques qu'on pouvait pratiquer en famille. Donc pour elle, suite à son divorce, donc, la danse devient une évidence, elle retrouve une activité physique et un lieu de sociabilité pour rencontrer du monde, et elle laisse entendre pour reprofiter de la vie. Elle met ça aussi sur une description de la danse qui est pour elle un bien-être physique, mais également psychique, où elle dit « la danse, ça m'a redonné confiance aussi, parce que la danse, c'est aussi ça, c'est avoir confiance en soi, être sûr de soi ». Donc on peut voir voilà, les aspects un peu de définition de la danse. Donc après quelques années, un ou deux ans, où elle prend des cours toute danse, elle découvre le tango, et ça c'est un point qu'on retrouve dans beaucoup d'entretiens, c'est un peu la rencontre avec une des quatre danses qu'on étudie, qui est souvent faite par des pairs, donc là c'est un ami, et elle utilise le registre des émotions, qui est aussi très souvent utilisé dans les autres entretiens, pour décrire cette première fois. Donc là, elle dit « Et vraiment, j'ai été un peu ensorcelée par cette musique ». On voit que le côté musical est ici très présent. Dans d'autres entretiens, c'est plutôt les aspects corporels ou esthétiques qui sont présents. Mais voilà, cette première fois est très importante. Et depuis donc 2003, elle n'arrête pas de danser le tango, d'abord comme guidée, puis depuis 4-5 ans comme guide également. Elle passe de guidée à guide suite à un accident domestique où elle se casse le pied ou qui lui empêche de danser pendant un an, et surtout elle explique qu'elle ne peut donc plus mettre les chaussures à talons qui sont caractéristiques des danseuses de tango, donc des chaussures avec des talons des amontrés fins de 9 mm. Là on voit bien là. Voilà. Et pour poursuivre sa passion de la danse et pouvoir danser, elle décide de devenir guide, parce que les guides hommes ont des chaussures à semelles plates qui du coup ne l'empêchent pas, elle, suite à sa blessure, de, de danser. Donc, elle décrit son apprentissage du rôle de guide, qu'elle dit être assez rapide parce qu'elle a une rigueur, une technicité, et souvent elle oppose cette rigueur au laxisme des hommes qui ne veulent pas vraiment apprendre et se reposent sur leur laurier, etc. Et on peut voir un peu dans tout cet entretien, voilà, des oppositions entre ce qu'elle pense et ce qu'elle pense des autres, des hommes notamment. Pour elle, elle met que la qualité du guidage est notamment, parfois meilleure, entre guillemets, chez les femmes qui guident, parce qu'elles ont la connaissance du double rôle, guider, guide, de savoir ce que ça fait d'être guidée pour apprendre elle-même à guider par la suite, contrairement aux hommes qui n'ont souvent qu'un seul rôle. Donc là, on voit pour elle le bénéfice d'avoir cette double casquette, ce double rôle. Et elle accentue le fait que le plaisir de la danse maintenant pour elle est vraiment relevé dans le fait de pouvoir changer de rôle dans une même soirée, de passer de guide à guidé, voire même dans une même danse avec certains danseurs ou danseuses, de pouvoir à l'intérieur de cette danse passer de guide à guidé avec des mouvements subtils d'indication pour savoir qui reprend le lead ou pas. Elle met en avant aussi cette liberté de danser, de pouvoir avoir les doubles rôles, et elle l'oppose notamment sur le côté un peu macho du tango où les hommes normalement invitent les danseuses, notamment avec un jeu de regard dans les espaces les plus codifiés, où elle dit qu'elle a vu déjà plusieurs fois dans des milongas, donc dans les bals tango, des femmes d'une soixantaine d'années ne jamais danser parce qu'elles ne sont jamais invitées. Et elle montre aussi que, voilà, derrière, au fil de l'entretien, on comprend qu'elle ne voulait jamais être dans cette posture de la femme jamais invitée, et que le fait de guider lui prend aussi, prendre cette confiance et d'éviter cette posture. Elle parle justement, pour ces femmes qui ne sont jamais invitées, d'humiliation. En petit aparté, ce qui est aussi intéressant dans les termes qui sont utilisés, et ça c'est dans tous les entretiens qu'on a pu faire avec les hommes et les femmes, de voir un peu la question des termes. Donc Monique utilise souvent faire la fille ou faire le garçon pour dire guide ou guider. D'autres vont parler de follow, leader, de cavalier, cavalière, guideur, guidé. Donc voilà, il y a énormément de termes qui peuvent être utilisés. Je vais passer sur certaines choses. Il y a aussi le rapport à la sensualité qui est très important dans cet entretien et dans l'ensemble des entretiens qu'on a pu faire, et notamment avec le cas de Monique, ce qui est montré, c'est sur la respectabilité des uns et des autres, des hommes et des femmes. Elle oppose notamment sur elle, dans son discours, deux types de femmes: les femmes respectables qui se contrôlent aussi, qui s'habillent de manière décente, celles qui vont être plus aguicheuses, et de l'autre côté, elle l'oppose aussi les hommes qui dragueraient trop ouvertement ou qui dragueraient plus gentiment ou qui n'utiliseraient pas la drague non plus. Et elle dit que c'est quasiment impossible d'aller danser sans devoir refuser ou accepter des 06 d'hommes. Il y a toute une question de vêtements. Tu me laisses finir, on a deux. Oui, et juste une dernière chose, du coup, pour comme tu l'as reparlé aussi, et le fait d'avoir ce double rôle, en fait, la questionner, et les autres la questionnent aussi sur sa sexualité, et donc à un moment dans l'entretien, elle se dit, mais finalement, je me suis aussi moi-même posé la question, est-ce que je suis lesbienne ou pas, etc. Comme depuis son divorce, en tout cas, dans ses dires, elle, voilà, c'est pas remise en couple de manière pérenne, donc voilà, comment il y a un étiquetage aussi des femmes qui changent de rôle dans la danse. Alors, je veux juste encore donner quelques petits éléments. C'est pas quelque chose qui est uniquement le fait des femmes de parler de ses émotions et cette question-là. Et notamment un autre tanguero, même si dans les autres danses, on en parle aussi, mais qu'on a fait récemment comme entretien, il nous dit qu'il était choqué, en fait, de son expérience, que ça a été un énorme bouleversement émotionnel. Un moment d'une intensité rarissime, c'était en fait quasiment la première fois que je pouvais prendre des femmes dans les bras comme ça. Et ça, en fait, ça me permet de boucler sur ma conclusion, les éléments notamment qu'ont montré François. Ça permet de souligner ce qu'on n'a pas pu faire dans le détail là, c'est que de procéder par des études de cas, notamment comme Raewyn Connell, et de les mettre en rapport avec des contextes sociaux et culturels. C'est ça qu'on compte approfondir après. Et c'est pas un hasard que je cite Connell, parce qu'il me semble que sa pensée peut être utilisée de manière stimulante, parce qu'elle importe... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là ? L'étage. C'est monté à l'étage. Ah d'accord. Elle insiste vraiment sur l'importance du corps. Pour elle, le corps, il est central, notamment dans la construction des masculinités, des féminités aussi. Et à l'intérieur de ça, elle insiste sur le fait que les sensations et les sentiments, les émotions produites par le corps et dans le corps doivent être absolument prises en compte. Et c'est notamment ce qu'elle va développer via la question de l'incarnation du genre et des pratiques bioréflexives. En fait, elle va mettre en lumière le fait que, de son point de vue, il y a une capacité d'agir, de ressentir du corps et qui peut avoir un effet sur la suite de notre trajectoire. Et notamment la production d'un rapport à soi qui relève d'une prise en compte des réactions de son propre corps, ou d'une non-prise en compte. Et ça, je pense que ça peut vraiment... Enfin, c'est la suite un petit peu, moi, que je vois dans une partie de notre travail. Notamment, elle pointe le fait que le sport, c'est un lieu de mise à l'épreuve de ce processus d'incarnation du genre. Elle parle aussi de la sexualité, le travail. Et que, notamment, là, ce lien indéfectible que nous décrit ce tanguero entre la pratique du tango et des sensations érotiques, vraiment, il parle à un moment, des fois on se demande si elle a apprécié la danse ou elle a un orgasme, le fait de se donner à voir en dansant, d'être confronté directement au corps d'autrui, à ses sensations, ses propres sensations, parce que, en dehors du goût, eh bien, il y a quasiment tout, enfin, il y a tout, tous les sens sont sollicités, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la proprioception, l'équilibrioception et les sensations de l'autre, de devoir procéder à des ajustements en fonction de tout ça pour être jugé aussi de manière positive, être réinvité, avoir la sensation de faire une bonne danse. Eh bien, je pense que tout ça et tout ce qu'on a montré, ça, on plaide pour l'intérêt d'étudier les danses à deux à l'aune du genre.